questions sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Valérie Deschamps sera des nôtres pour parler de politique et de choses pertinentes. Et Alassane Yacouilly sera tout aussi pertinente et aussi éducative en nous embarquant dans son bus magique. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 14 novembre 2016, à 164 jours de la fin de l'année scolaire. On t'en dirait des studios de ces fois à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Ça va, Tania? Oui, très bien, toi? Oui, fin de semaine. Oui, quand même, hein? Tu sais, comme on dit, hein? Fin de semaine. C'est une fin de semaine. C'est ça. Qui se termine. Est fini, là. C'est ça. On va commencer avec un autre lundi. Je sais. Infini. C'est pas long, 164 jours. Non, en effet. C'est ça. Aujourd'hui, l'émission, Tania, on va avoir à 8h à la Sania Kouilly, avec sa chronique Le Bus Magique. Il nous parle toujours de médecine, de science, de chimie, de trucs comme ça. Super intéressant, ça c'était à 8h. Il va y avoir à 9h une invitée spéciale, Jacinthe Allard, qui va nous parler du pôle d'économie sociale. Elle est agent de communication et de développement à Économie sociale Mauricie. Oh, d'accord. Ça c'est à 9h. On va aussi faire ta chronique Sport et Flocher. Qu'est-ce qui s'en vient plus tard? Oui, bien Mathieu, Sport et Flocher ce matin va être quand même assez court. Donc, on va peut-être avoir un spécial Sport et Flocher et Tania is gonna entertain ya. Exactement, combo. Parce que en fait, nos Patriotes en action n'étaient pas super tous en action, certainement. Il y avait seulement deux équipes de l'UQTR qui étaient sur la route. Donc, de ce côté-là, c'est seulement l'équipe de hockey et l'équipe de natation dont on va parler ce matin. Et aussi, les équipes locales de Trois-Rivières, comme ton équipe favorite, la climatisation. La climatisation qui joue au hockey maintenant. Exactement. Puis sinon, comme c'est assez court, bien, je vais vous faire un petit spécial Tania is gonna entertain you. Génial. Dans quelques minutes, on aura Valérie Deschamps et sa chronique. Elle a des chants du coude. Mm-hmm. Ce sera tout à l'heure. Elle a un petit peu de retard, mais elle s'en vient. C'est confirmé. Avant ça, on s'entend une pièce. On s'écoute une pièce de Mauve sur le palmarès francophone. Elle fait tout pour s'en venir. Donc la pièce s'appelle J'ai tout essayé. Et voilà. Pour arriver dans le temps. Assemblage requis. Ça, c'est fou. 89 FM. J'ai tout essayé. pièce, j'ai tout essayé à Sauvage Rocky. Elle a tout essayé, finalement, Valérie Deschamps, mais elle n'est toujours pas arrivée. Non. J'allais commencer une autre chronique, j'allais faire quelque chose, mais je me suis dit que ça allait être trop serré. Donc, allons-y avec une autre pièce du côté anglophone. Voici Preoccupations et Anxiety. Patience avec anxiety ce matin. Il a pas l'air anxieux, il a l'air amorphe. Oui, mettons, hein. En fait, sa voix me faisait penser à tous les animateurs d'émissions politiques américaines qui sont genre Bonsoir, la bienvenue. Depuis une semaine. Depuis une semaine environ. Oui, exactement. Justement, parlons-en avec Valérie Deschamps. Bonjour à toi. Hey, bon matin, bon matin. Bonjour, qui vient nous parler un petit peu de l'élection de Trump, mais d'un point de vue plus canadien que la normale. Oui, exactement, parce qu'on sait que ce qui se passe aux États-Unis, ça a toujours des répercussions chez nous. Oui, hein, oui constamment, autant au niveau politique, au niveau économique aussi. La mode. Oui, la mode aussi. 5-6 ans plus tard. C'est vrai qu'on arrive toujours un peu en retard. Ouais. Mais écoute, la mode américaine, des fois, on pourrait s'en passer. Ben, hein? C'est vrai. Comme l'élection de Trump, ce serait une mode dont on pourrait se passer. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Bon, on va commencer avec le point de vue économique. Carl Alena, l'accord de libre-échange nord-américain qui fait beaucoup jaser, que Trump n'est pas trop d'accord avec ça. Faut dire que c'est pas avec le Canada, hein, son gros problème, c'est plus avec le Mexique et en bas. Oui, le Canada, c'est pas tellement important même pour Trump. Non, mais il y en a quand même parlé. Il y en a quand même parlé comme quoi que le Canada, pour lui, ben, tu sais, il faisait pas grand-chose. Mm-hmm. Mm-hmm. C'était pas son sujet principal quand il parlait de l'ALENA, mais quand même, il en parlait. Donc là, on a eu justement Justin Trudeau qui, au début, durant la campagne, le quand même l'a pas manqué. Hein? Parfois, il pouvait y dire des choses pas trop gentilles, ben, comme pas mal tout dirigeant de pays à travers le monde. Là. Mais, sauf Vladimir Poutine. Sauf Vladimir Poutine, effectivement, que lui, était bien chumé-chumé. Il allait prendre une bière quasiment avec ou une vodka. Bref, Trudeau qui l'a quand même pas manqué durant la campagne électorale et qui, là, à la sortie de Trump à sa victoire mardi dernier, ben, en fait, il y a eu une réaction plutôt mercredi alors que ça s'est fait, dit qu'il est impatient de travailler avec Donald Trump. Ouais. Vraiment? Est-ce que vraiment il faut être impatient de... Tu peux dire en tant que chef d'État... Pour bien paraître... On va travailler ensemble. Exactement, mais dire que tu es impatient. Je trépide à l'idée de travailler avec vous, M. Trump. Hein, c'est ça, là. C'est un peu hypocrite, à la limite. Puis moi, ce que je trouve dommage aussi, ben, ce qui me fait le plus peur, c'est que t'as Donald Trump. OK, on a beau ne pas l'aimer, c'est un chef qui est très fort. Ouais. Mm-hmm. Très, très fort. Et au Canada, ben, on a un chef mou. On a ben beau dire ce qu'on voudra. Justin Trudeau, c'est pas le plus fort, c'est pas Pete, là. C'est pas son père. C'est... Même Stephen Harper, lui, est un chef qui était comme fort. Mais Trudeau, c'est pas quelqu'un qui est vraiment fort, c'est quelqu'un qui va... On le voit, là, on le voit depuis un an, c'est quelqu'un qui va tout faire pour s'amadouer tout le monde. Il essaie d'être conciliant avec tout le monde, rendre tout le monde heureux. Exactement, exactement. Ouais. C'est pas un chef fort catégorique qui va dire, ben, il y a des choses qui se font pas, puis ça, ça se fait pas. Des principes. Ça. Exactement, ben, on voit, là, ces principes féministes peuvent être mis de côté quand il s'agit de porter, exemple, le voile pour aller à quelque part. T'sais, il s'en fout un peu. Les femmes sont en haut, puis il y en a rien à foutre. T'sais. Fait que, à ce moment-là, moi, quand j'ai vu ça, je vois Justin Trudeau qui dit qu'il est impatient de travailler avec Donald Trump. Je comprends pas. Ouais. Je suis juste sans mots. Je comprends pas comment tu peux être impatient de travailler avec un xénophobe, sexiste, name it, là. Ouais, c'est ça. On dirait que c'est un peu contradictoire de Mais comme sa on part. Dit avec d'autres à l'émission qui essaient de se backer, c'est bien beau, sauf que là, peut-être qu'il en beurre et fait un peu pour se backer. Exactement. Puis c'est ça un peu son problème, selon moi, c'est que... Tu veux trop en mettre, mais au bout de la ligne, t'as l'air de quoi? T'as l'air d'une chochotte. T'as l'air d'une chochotte qui Parce plie. Parce que tu dis, ouais, tu fais pas ce que tu dis que t'allais faire. Mais ça, ouais. c'est courant chez nos politiciens, en plus, oui. Là, on va se le dire. Mais je trouve que ça fait un peu chochotte de sa part. Ça fait, je ne suis pas fort, j'ai trop peur de Trump, donc je suis impatient de travailler avec lui. J'ai peur pour l'ALENA. Je peux comprendre qu'on a peur pour l'ALENA parce que c'est comme un gros moment, c'est un gros morceau de notre économie. Autant sur l'exportation canadienne que l'importation américaine. Mais en tout cas, bref, ce point-là, c'est réglé. Du côté québécois, on a beaucoup de comparaisons à Donald Trump. Il y en a qui sont fiers de ça. François Legault, chef de la CAQ, qui a été souvent comparé à Donald Trump. Pas nécessairement un compliment. Non, mais il est fier d'être... Il a dit... Ça me dérange pas, moi, d'être comparé à Donald Trump. Okay. Vraiment? Ah. Vraiment? Ah. Qu'est-ce qui se passe, là? Donc, moi, quand je regarde tout ça, je vois nos chefs, nos dirigeants, autant du côté Canada, autant du côté québécois, les deux côtés qui plient, littéralement, on va se le dire, là, ça plie devant Donald Trump, et ça me fait peur. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de se faire lancer des bombes dessus? Je sais pas. Je pense que c'est un côté économique, surtout. Parce que je pense pas que Donald Trump vienne bombarder le Canada. ni le Québec parce qu'il sera un peu mal pris. Parce que tant qu'à moi, s'il fait ça, on a toute la communauté européenne. Oui, OK, c'est pas les États-Unis, mais on a toute la communauté européenne qui est contre Trump et qui est beaucoup plus pro-Canada, pro-Québec, parce qu'on est la terre d'accueil. On, comme c'est Jean Chrétien qui disait ça, que nous sommes le plus meilleur pays du monde. Le plus meilleur, ben oui. Le plus meilleur pays du monde. Donc, je sais pas pourquoi ils font ça. Je pense que c'est vraiment la crainte de Donald Trump, la crainte de sa puissance, qu'elle soit militaire, qu'elle soit économique. Parce qu'on sait qu'il est rancunier, ça, c'est prouvé. Ouais, mais c'est ça. Puis, est-ce qu'il va se rendre compte, « Hey, tu m'as traité de ci, de ça, puis là, après ça, tu me dis que tu vas être mon chumé. » Ouais. « One minute, là. On va s'asseoir, puis on va jaser. » On va jaser. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Honnêtement, comme je vous ai dit, moi, ça me fait un peu peur. Ça me fait peur, pas au niveau économique. Moi, ça me fait peur au niveau international. Est-ce qu'on va toujours s'asseoir devant Donald Trump? Est-ce qu'on va le laisser parler sans nous dire un mot? Parce que, justement, c'est Donald Trump et on a peur de lui. Tu sais, au niveau avec les... Est-ce qu'on a peur de lui ou on sait à quel point il peut pas faire tout ce qu'il a dit qu'il ferait? Ben écoute, je pense qu'on a plus peur de lui parce que dire qu'il ne peut pas tout faire ce qu'il veut faire, c'est un classique en politique. Mais son mur au Mexique, c'est une des premières choses qu'il veut faire. Il veut renvoyer ses 3 millions d'immigrants illégaux qui sont au pays, qui sont aux États-Unis, en premier. C'est la première chose qu'il veut faire. Donc, déjà les en partant. Les criminels illégaux. Oui, exactement. Non, les immigrants illégaux. Ouais. C'est ça, ceux qui ont traversé la frontière sans avoir les papiers et tout ça. Ils ont bien beau travailler chez lui. Il dit. M'en fous, t'es rentré illégalement, t'as pas de papier. Tous les abonnés de Vidéotron aussi, tous les abonnés illico. Illico. Illico. Les gens illico. On s'en débarrasse. Même chose. Tout le monde chez Cogeco. Un peu le même principe. Exactement. Mais je pense vraiment que c'est... On a peur de lui. Pourquoi qu'on critique autant quelqu'un? Oui, parce que c'est un peu ridicule ce qu'il disait, mais aussi parce qu'on a peur. Tout le monde était sûr que c'était Hillary qui allait gagner. Ben oui. Donc là, les accords allaient bien aller et tout ça. Donc, on critique Trump, on le critique pour qu'il ait l'air encore plus cave. Mais le cave, il est rendu à la tête de la plus grande puissance mondiale. Et comme on l'a dit, c'est quand même le gars qui fait le plus de deals. C'est comme le maître des deals. Fait que si jamais, comme il y a des républicains de son bord, il pourrait peut-être les convaincre de quelque chose. Ben, il y a tous les... Les trois paliers. Ouais, exactement. Et ça aussi, c'est deux fois plus effrayant parce qu'il y a les trois... Oui, ils sont pas tous derrière non, Trump. Non, c'est ça, mais ce sont quand même des républicains. Oui. Donc, ce sont des idéologies qui sont beaucoup plus conservatrices. Donc, à ce moment-là aussi, ça fait peur. Tu te dis, il fera peut-être pas tout, mais il peut faire une méchante gang de trucs, c'est ce qu'il disait par contre. Même s'il y a des républicains qui sont pas de son bord, il me semble, en tout cas, que si c'est les électeurs qui les ont élus en tant que républicains, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont des comptes à rendre aux voteurs qui ont voté républicain, donc peut-être qu'ils vont voter dans le sens de Trump malgré leurs propres convictions. Je sais pas, on va voir. C'est spécial ce qui se passe en ce moment. Puis l'autre chose qui se passe justement avec l'élection de Trump, c'est on remet tout en question le système démocratique nord-américain. On voit, il y a plusieurs manifestations du côté des États-Unis. Trump n'est pas mon président. C'est une arnaque parce que justement, Hillary a été élue avec environ quoi, 500 000 de voix de plus. Ouais. Tout le système démocratique est remis en cause. J'ai entendu parler à la radio aussi quand je me promenais, quand je lisais les journaux, que les Chinois critiquent beaucoup le système démocratique américain en ce moment. Ouais, on sait ça, vous appelez une démocratie, vous avez le choix entre ces deux clowns-là, puis en plus de ça, même si c'est cette personne-là qui a le plus de voix, ben elle gagne pas. Et ça remet en doute, oui, au niveau américain, mais au niveau canadien et québécois également. Parce que notre démocratie aussi est un peu spéciale. Hein? Oui, c'est pas le vote électoral collégial, mais c'est aussi c'est du côté... Il n'y a pas de proportionnel, il n'y a pas rien de ça. Donc, d'un côté, tu peux être élu parce que tu as plus de têtes de grands électeurs, peu importe le nombre de votes au final, la population. Puis ici, ben, c'est au niveau des comtés. Donc, ça remet tout en question, tout en perspective, tout ça, les systèmes démocratiques. Est-ce que ça va avoir vraiment une grosse répercussion chez nous? Je sais pas, je suis pas voyante, je peux pas le dire. Mais honnêtement, en tant que moi, je serais contente parce que notre système démocratique est malade. Ouais, pas mal. Notre démocratie va pas très bien. Parce que c'est pas normal qu'à 30 % tu sois élu majoritaire. Ouais. Dans Est-ce ma tête que, à moi, c'est pas normal. Trudeau avait pas dit qu'il voulait changer un peu le système, mais là, finalement, il y a comme... arrêter de parler de ça. Ben honnêtement, ça, il veut changer le système dans le sens que c'est toute l'élite de Washington, en fait, l'élite des États-Unis aussi, qui est toujours à la tête du pays. C'est peut-être plus dans cet angle-là qu'il veut changer ça pour dire que c'est pas normal que ce soit une poignée de gens qui sont toujours les mêmes, qui vont élire, en fait, qui va être à la tête du pays. Je pense que c'est surtout dans cet angle-là. Sauf qu'en même temps, ben lui, c'est pas mieux. Là. Oui, c'est pas une élite depuis toujours ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même une élite économique pays. Là, c'est un peu contradictoire, mais c'est Donald Trump. Sur Internet aussi, depuis la dernière semaine, en fait, depuis les élections, il y a plusieurs pétitions pour faire changer le collège électoral. Puis on le sait, Donald Trump va juste rentrer en janvier. Mm-hmm. Et il y a encore possibilité jusqu'à la fin décembre de pouvoir faire changer, de faire virer de bord, comme ils disent, le collège électoral. Donc, ça se peut qu'en janvier, tu sais, on parle d'un gros « ça se peut », là. Ouais. Mais c'est une possibilité qui est rendue en janvier. Donald Trump, soit par lui-même, face « j'y vais pas, finalement », ou soit que la population va faire en sorte que le collège électoral va avoir changé de côté, puis on va avoir comme, je sais pas si ça serait une nouvelle élection, ou mais on peut faire changer beaucoup de choses là, dans les deux prochains mois. C'est possible, avant qu'il rentre en poste, exact. C'est ça. Et je crois que le vote du collège électoral, c'est vers la mi-décembre. Donc, en tant que tel, ils peuvent ne pas voter pour Trump, les grands électeurs, s'ils veulent, et payer une simple petite amende s'ils décident de voter pour Clinton, mais c'est très peu probable. Je serais très, très, très étonnée, honnêtement. C'est pas arrivé souvent, mais... Ouais, non, c'est ça. T'sais, même en 2000, quand c'est Bush qui est rentré, c'est pas arrivé, puis on sait ce qui s'est passé avec le mandat de Bush. Ouais. Hein? C'est un désastre, presque, pour la communauté internationale. Mais c'est possible. Vous me l'apprenez, c'est possible. Très possible, peu probable. Très peu probable. Donc, j'ai hâte de voir les répercussions que ça va avoir chez nous. J'espère que notre grand chef canadien, Justin Trudeau, va mettre ses culottes. Puis qu'il va arrêter de se plier à tout le monde. Pour vrai, moi, ça m'écœure un peu. Je suis un peu tannée de le voir se plier constamment. Ouais. Ça montre qu'il est flexible. Ouais, il est bien flexible. Mais quand t'as plus de tu sais, si t'es flexible, mais que t'as plus de... Comment dire, tes valeurs, tu les mets de côté. Mm-hmm. T'es pas flexible, t'es à m'amener, là. Tu l'as dit tantôt, chochotte. T'es une chochotte. Puis, c'est ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau du Québec, parce que Philippe Couillard, on a bien beau pas nécessairement le porter dans notre cœur. Il peut être fort, mais il n'y a aucun pouvoir quand tu dis que t'es dans le Canada. Peu importe ce qui arrive, il n'y a pas vraiment de pouvoir. C'est Justin Trudeau, le chef du pays. On va voir ce que Trudeau va faire. On verra comment. Ouais, dit. Ben ça, faut donner la chance quand même, mais bon. Hein? Ouais, ça, donner la chance au coureur, laisser la chance au coureur. Oui, mais. Mais. C'est ça, c'est quand même Donald Trump contre Justin Trudeau. C'est ça. C'est tout. Ah, merci Valérie Deschamps. Ah, prends soin de toi avec ton. Je suis tannée. Ta gorge. Je pense que ça fait un mois et demi que je tousse, mais des petites toux chroniques fatigantes, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour déranger. Hein. Ouais, c'est un peu désagréable. Ah, tu vas t'en remettre, toi. J'avais trouvé mon coffre à crayon. Ben oui, va chercher ça. Hey, elle a perdu son coffre à crayon si à la bibliothèque. Décris-le, fait à la main. Mais en fait, c'est un coffre à crayon qui est fait à la main, mais c'est les affreux. Ah. Il y a comme un petit chevalier dessus. Il est bien cute, puis il y a une petite pin Québec dessus. Si vous le trouvez, s'il vous plaît, amenez-le. Oh, le studio, c'est ma vie. Au pavillon des Rebeaux Chemins. Le studio, c'est fou. Merci, Valérie Deschamps. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui. À 7h30 les lundis pour la déchante du coude. La déchante du coude. J'aime tellement ça. C'est rendu. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est on ça. On y va avec ça. Graduellement parlant. J'aime ça. Il va te rester à trouver une intro musicale. Un autre gros défi. Mais merci, Valérie. Salut. Alors, quelques instants, ce sera à la Sania Couille. Avec le bus magique, mais pour l'instant, on prend une petite pause, puis on revient dans deux minutes. Aujourd'hui. Vous êtes assez pour l'écouter. 89.1 Assemblage outil pour toi aujourd'hui. Toujours Assemblage Requis, on se lundi 14 novembre 2016, Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Oh oui, à quelques instants du bus magique avec Alassane Akouyi, mais avant ça, une petite pièce de Balmoral. Parce que, je sais pas... Je pense pas qu'elle nous regarde de haut avec autant de connaissances. Non, je ne crois pas. Non, mais voici la pièce Vertige. Ça, c'est fou. Aujourd'hui, tu me donnes vertige. Nos corps s'enlient. J'ai fait que commencer. Nous dispersons le doute, rapiaissons le temps passé. Poursuivre la route sans détour, l'attente est terminée. Nous acquiesçons l'amour, nous tournons l'hostilité. Monter les pages pour choisir un rêve ou bien la clé. Nous éclairons la tour, restaurons les cœurs brisés. Tourner tout bord, tout côté, la bague est s'engager. Nous partirons un jour, gravirons l'adversité. Ben Morale et Vertige, assemblage requis. Maintenant, Alassania Kouyi qui est avec nous. Attention, c'est le bus magique. Le bus magique à la Sania. Bon matin à toi. Bonjour, comment ça va? Ça va super bien. C'est vraiment excitant de commencer cette chronique-là puis d'être full dedans. Ben oui. Avec la petite chanson thème. Donc, on parle de science, médecine, chimie, dépendant du moment, tout ce qui est autour de ce qui est intelligent, je pense. C'est une chronique tout ce comme qui ça. Entoure l'être humain, en l'être fait. L'être humain, voilà. La science qui entoure l'être humain, d'un point de vue vulgarisé. C'est génial de t'avoir avec nous. Et t'es de retour après une légère absence, mais t'es rendu aux deux semaines maintenant. Oui. Donc, on t'accueille encore une fois parmi nous. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Pour la continuité avec la dernière chronique, aujourd'hui, on va parler d'antibiotiques. Oh! Antibiotiques, oui. Tania, qui a de l'expérience avec ça récemment. Tout à fait. Comment ça, non? Ben, à cause de mon infection. Ton infection de dedans. C'est comme ça. Rien, ben ouais. Pas de détails de plus, c'est juste une infection. Aucun détail de plus, rien d'autre à dire. J'espère que tes antibiotiques, tu les as pas pris toutes seules quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, le médecin lui a prescrit. C'est le médecin. Ouais, non, c'est ça, c'est le dentiste qui me l'a prescrit. Tu me rassures. Est-ce que tu peux commander ça sur Internet, me prendre un ça bundle? Ça me surprendrait. Ouais. En tout cas, je l'aurais pas essayé. Juste à cause de la saveur de banane. Ouais, c'est ça, exact. Non, il y a... Non, pas dans les médicaments que je prends. Donc, parlons d'antibiotiques. Loin de toutes les définitions scientifiques et les définitions médicales, un antibiotique, c'est tout simplement une substance chimique qui tue les bactéries. J'ai pas dit les microbes, j'ai bien dit les bactéries. On a vu la différence hier entre les bactéries et les microbes. Oui. Exactement. Donc, on dit qu'un antibiotique, il tue la bactérie, mais en fait, il y a deux sortes d'antibiotiques. Soit c'est un bactériostatique, c'est-à-dire qui va figer la bactérie. Il va pas la tuer. Il va juste la rendre inefficace le temps que le système immunitaire prenne le dessus et qu'il soit capable par lui-même de combattre la bactérie. Okay. En 100 ans, ça, c'est pour les gens qui sont en santé, puis pour les gens qui ont besoin juste d'un coup de pouce du système immunitaire. On va pas donner ça à une personne âgée, on va pas donner ça à un bébé, à une femme enceinte. Oui, absolument. C'est vraiment pour un coup de pouce. Et il y a les bactéricides. Cid, ça veut dire tuer. Ces antibiotiques-là, ils tuent carrément les bactéries. Il y a une panoplie de familles d'antibiotiques, tout simplement parce que les bactéries ne sont pas toutes les mêmes. Mm-hmm. Une bactérie, c'est une cellule, puis on peut y penser comme une cellule humaine. Elle a des composantes qui sont essentielles, c'est-à-dire si elle n'a pas ces composantes-là, elle meurt, et des composantes qui ne sont pas essentielles. Les composants qui ne sont pas essentiels, ce sont souvent celles qui donnent un petit plus à la bactérie, qui rendent la bactérie plus forte ou plus dangereuse, etc. Mais malheureusement, pour des raisons pratiques, pour aussi des raisons économiques, tous les antibiotiques n'attaquent que les composantes qui sont essentielles. Parce que celles qui ne le sont pas, elles sont tellement différentes, elles diffèrent aussi d'une bactérie à l'autre, que ça va être très faramineux de vouloir attaquer ces composantes-là et démarrer dans de la recherche pour trouver des substances pour chaque composant. Donc, il y a des antibiotiques qui attaquent, par exemple, la paroi. On peut penser à ça comme la coque qui entoure la bactérie. Et là, on parle de la pénicilline qui fait des trous dans la coque qui entoure la bactérie. C'est comme des trous dans ce qui te... tu peux imaginer ça comme un dôme qui te protège. Si tu fais des trous dans ton dôme, fait que tu deviens fragile, la tête, et tu meurs. Il y a des antibiotiques qui vont attaquer, par exemple, l'ADN de la bactérie. Il y a des antibiotiques qui vont attaquer une autre structure qui est capable à faire de l'énergie pour la bactérie. Bref, sans ces structures essentielles, la bactérie, elle meurt. C'est pour ça que c'est déconseillé de prendre des antibiotiques tout seul. Parce que tu ne sais pas la maladie que tu as, tu ne sais pas c'est quelle sorte de bactérie. Mais tout seul, quand tu dis tout seul, c'est d'aller les chercher toi-même sur les tablettes en pharmacie. Absolument. Sans demander à ton médecin. Absolument. Avant. Absolument. Okay. Est-ce qu'il y a ça, tu peux acheter ça comme ça? Heureusement que tu ne peux pas le faire au Canada, tu peux moins le faire en France. Mais par exemple, si on pense à certains pays d'Afrique du Nord, c'est possible. Des fois aussi, dans certains pays de l'Europe, c'est possible. Mais le danger, par exemple, si on prend le Canada, ce n'est pas d'aller chercher tes antibiotiques tout seul, mais si il te reste des antibiotiques d'une précédente, et puis tu peux le prendre. C'est ça le danger. Ah, ouais. Parce que, comme on a dit, tu ne peux pas soigner une infection de la gorge avec le même antibiotique pour une infection urinaire. Tout simplement parce que ce n'est pas la même bactérie. Ouais. Donc, ce n'est pas la même technique d'attaque qu'on va utiliser. Donc, c'est pas la même substance que tu dois prendre. Mais ça se peut, par exemple, qu'une antibiotique va être la même pour deux cas bien différents. Oui, exactement. Bien plus que ça. Un antibiotique peut être utilisé pour plusieurs cas, mais... C'est pas à toi de le deviner. C'est exactement. C'est ça. Va donc voir ton médecin. Absolument. Ça peut être long, mais ça vaut la peine. Exact. Et aussi, pour répondre à ta question, Tania, il y a des antibiotiques qui attaquent une ou deux sortes de bactéries. Il y a des antibiotiques qu'on appelle à large spectre. Okay. Généralement, quand il y a une infection grave et qu'on n'a pas le temps d'aller chercher comme précisément de quelle sorte de bactéries il s'agit, on commence par un antibiotique à large spectre. C'est un antibiotique qui tue tout. Okay. Mais c'est très, très, très déconseillé parce que c'est... Un antibiotique à large spectre, c'est comme le dernier recours. Quand tu commences avec ça, puis que t'es bloqué, ça pose un problème parce que là, il va falloir chercher quelque chose encore de plus en plus fort. Ouais. On a souvent entendu parler de la résistance aux bactéries. On dit qu'il ne faut pas donner beaucoup d'antibiotiques parce que les bactéries deviennent résistantes. Puis il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment une bactérie, elle devient résistante? Est-ce que l'antibiotique, au lieu de la tuer, il fait quelque chose pour la renforcer? » Non, un antibiotique, c'est pas une boîte d'épinards que Popé va manger puis dès qu'il va devenir fort. C'est juste un hasard. Ah oui? OK. Oui. On sait pas pourquoi. Non, on le sait. Okay. Je vais expliquer. Ah. Les bactéries peuvent avoir, eux aussi, des mutations, comme les êtres humains, comme tout être humain. Des fois... La structure que ton antibiotique va attaquer, elle est mutée. C'est une déformation. Mais cette mutation-là, elle va permettre à la bactérie d'échapper à l'antibiotique. Par exemple, lui, il va détruire sa paroi. Mais la paroi, elle a une structure de plus. Mettons juste, je parle juste comme ça. Mettons, au lieu d'avoir une couche, il va avoir deux couches. C'est un hasard que tu as pendant tout ton lot de bactéries une qui a eu cette mutation-là. Puis qu'il y a eu deux couches. Fait qu'elle va être favorisée parce que l'antibiotique ne va pas l'attaquer. Donc, c'est elle qui aura plus de chances de se multiplier. Et là, tu parviens avec une nouvelle souche bactérienne qui a une résistance à ton antibiotique parce que on peut penser à la mère de toute cette souche, avait une mutation qui était un pur fruit d'hasard. Le fait de prendre des antibiotiques à tort et à travers favorise ce genre de hasard quand tu le prends d'une manière non adéquate ou quand tu le prends beaucoup, tu favorises les bactéries qui ont des mutations à proliférer. Autre chose très intéressante, c'est que les bactéries communiquent entre elles. Okay. S'il y en a une qui a cette mutation, les bactéries sont tellement intelligentes, puis qui voient que leur milieu contient une substance qui est dangereuse, fait qu'elles vont communiquer cette mutation entre elles. Donc, elle va donner cette structure qui est différente, elle va la donner à d'autres bactéries, et ainsi de suite. C'est comme les filles qui s'appellent pour se dire, tu sais, pourquoi vous s'habillez pareil? Ouais, c'est ça. Pourquoi s'habiller pareil? Oui, mais ouais. Là, c'est le contraire. Il veut dire, il faut s'habiller pareil, il faut tous être pareil pour contourner le danger qui vient, qui est l'antibiotique. Et c'est ça, malheureusement, qu'on voit de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, et on est pas mal arrivé à nos antibiotiques les plus forts, à nos derniers recours. Donc maintenant, les recherches sont pour soit trouver d'autres substances qui sont beaucoup plus fortes, ou améliorer les substances déjà existantes. Qu'est-ce qui fait ça? Le fait que les bactéries deviennent de plus en plus fortes versus nos antibiotiques? Parce que c'est des bactéries qui, déjà, qui ont une mutation, qui sont différentes. Vous savez, quand une bactérie, quand elle se divise, il peut y avoir une erreur dans la... Pour se diviser, il faut que l'ADN se dédouble. Okay. Il peut y avoir une erreur dans le dédoublement de l'ADN. Cette erreur, elle peut soit être fatale à la bactérie, elle va mourir, soit lui donner une structure différente de ce qu'elle aurait dû avoir. Okay. Cette structure différente, elle ne va pas être attaquée par l'antibiotique. Parce que quand on fait des recherches pour trouver la substance, on trouve des substances pour des structures normales, pour des structures qu'on connaît. Donc elle, la seule petite bactérie qui a une structure différente, elle va réussir, elle ne va pas être attaquée par tant d'antibiotiques. Elle va se multiplier. Et comme j'avais dit, elle va communiquer cette structure différente aux autres bactéries. Mm-hmm. Ce qui fait que tu vas, à la fin, te retrouver avec une souche qui est tout à fait différente. Ce dont je parle ici, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ce n'est pas après une première ou une deuxième ou une troisième prise d'antibiotiques. C'est vraiment à long terme. Mais si on voit l'histoire, on utilise des antibiotiques depuis des décennies. Fait que on dirait que les bactéries ont pris le temps de s'adapter aux molécules qu'on prend. Parce que c'est juste ces dernières années qu'on parle de « faut pas abuser des antibiotiques ». Puis les médecins, ils ne donnent d'antibiotiques qu'en dernier recours. Mais 10 ans auparavant, c'était pas le cas. Il suffit de tousser, puis là, pof, on te donne un antibiotique à large spectre, comme si t'avais, une infection qui t'a mise au lit pendant des semaines. Est-ce que tu peux devenir dépendant aux antibiotiques? Non, tu peux pas devenir dépendant aux antibiotiques parce qu'il n'y a aucune substance d'accoutumance. C'est juste des substances chimiques pour tuer. Parenthèse, tantôt, on a parlé de pénicilline. Tania, est-ce que c'est toi qui m'as dit que ça contenait quelque chose de particulier? On va demander si c'est vrai. Oui, c'est ce que je prends, en fait. Ouais? C'est ce que Marie Curie a découvert. C'est quoi qu'il y a dedans? C'est de l'urine de jument. De l'urine de jument. Oh, ça, je ne savais pas. C'est pas ça? Ah, non, je ne savais pas. Wow. De la pénicilline, c'est de l'urine de jument enceinte. Oh, enceinte en plus. Ouais. Pas n'importe quelle. On est sélectif sur l'urine de jument. Exactement. Eh bien, tu vois, et on puis, a appris marche. Quelque chose. Oui, ça fonctionne très bien. Je suis capable de parler. sa face n'a plus l'air d'être faite en caoutchouc. Exactement. Ouais. Puis les antibiotiques sont aussi capables de tuer nos cellules. Parce que c'est aussi nos cellules sont vivantes. Un antibiotique, c'est une substance pour tuer le vivant et puis nous sommes vivants. Mais pourquoi il ne tue pas l'humain? Parce que les concentrations qui sont utilisées de cette substance-là sont juste suffisantes pour tuer la bactérie. Okay. Si tu donnes ça en quantité suffisante pour un être humain, c'est sûr que ça va tuer un être humain. Est-ce que ça peut nous rendre faibles avant de nous tuer, mettons? Exactement, ça peut. Ça c'est vraiment un point très intéressant. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé ou vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qu'après un traitement aux antibiotiques, il y a eu des diarrhées. Ah, des diarrhées, non. Eh bien, tout simplement parce que les antibiotiques ne sont pas aussi intelligents que les bactéries. Ils tuent toutes les bactéries. Puis, à forte dose ou avec une prise prolongée, ils peuvent aussi tuer nos bactéries, ça profite. J'en avais déjà parlé pendant une chronique, c'est ça, les bonnes bactéries. Donc, ils vont tuer les bonnes bactéries, en l'occurrence, les bactéries de l'intestin. Et ce sont ces bactéries-là qui combattent les mauvaises bactéries. Enfin, en tout cas, j'ai jamais aussi dit le mot bactérie dans un petit laps de temps. Ils vont tuer les bonnes bactéries. Que elles combattent les mauvaises bactéries qui nous causent des diarrhées. Fait que plus de bonnes bactéries, beaucoup de diarrhée. Ben oui. C'est pour ça que lorsqu'il y a une antibiothérapie qui est prolongée, on donne des probiotiques à l'avance, puis avant, pendant et après. Du yogourt, c'est aussi une bonne idée pour conserver le pool bactérien de nos intestins. Le pool, comme dans genre le bassin? Oui, exactement. Oh, wow. C'est un bassin bactérien. C'est veux pas, c'est ça qui nous garde en bonne santé. OK. Oui. Nous sommes en bonne santé grâce à nos bactéries. Wow! Donc, je disais, ça met une étape, une autre étape de difficulté devant dans la recherche de bactéries, d'antibiotiques. Il ne suffit pas de trouver la bonne substance, mais il faut que cette substance soit en concentration minime pour tuer les bactéries et respecter la cellule de l'être humain ou des animaux. On peut donner ces trucs-là aux animaux aussi. Oui, exactement. Des antibiotiques. Mm-hmm. Oui, absolument. Les animaux aussi étant malades, fait qu'il y a aussi des antibiotiques qui sont donnés aux animaux. Mais en plus petite dose encore. Pardon? En plus petite dose encore, j'imagine. Donner leur taille. Ça dépend de l'animal. Okay. Soit de plus petite dose, soit de plus grande dose. S'il s'agit d'un éléphant, mettons, ou... Oui, il y a sûrement des gens qui donnent leur antibiotique humain aux chiens, là, mettons. Faites donc pas ça, va. Ouais, il faut pas faire ça parce que c'est pas... Premièrement, c'est pas les mêmes doses. Puis deuxièmement, ça peut s'agir de bactéries différentes. Ouais, puis il pourrait être à saveur de chocolat. Les chiens, type de chocolat, ça marche pas. Ben oui. C'est pour ça que c'est toujours conseillé de... Quand tu finis ton traitement et qu'il te reste, retournez ça au pharmacien. Ah! Ah, pour vrai? Mmh. Oui. Faut pas jeter les médicaments. Est-ce qu'il va le donner à quelqu'un d'autre? Non, absolument pas. Mais il faut pas les jeter parce que si on les jette dans la poubelle, je sais pas ce qui va arriver après, mais des fois, si on les jette dans les toilettes et tout ça, ça peut contribuer à contaminer le milieu extérieur. Oui. Ah ben, faites-vous pas de smoothie avec ça pour dépenser. Ah non, là, surtout pas. C'est une petite dose. Mais heureusement, maintenant, ce qu'on fait, c'est que on donne jamais des plaques d'antibiotiques, on donne les comprimés selon la prescription. Fait que si tu prends vraiment bien ta prescription à la fin, tu le nombre de jours est compté. C'est ça, le nombre de jours, tu n'es pas censé avoir d'antibiotiques à la fin. C'est rendu donc en comprimé. Moi, à mon époque, j'imagine que c'était encore un peu de même, mais on le donnait, c'était en liquide à cuillère dans une bouteille. Ça dépend. Okay. Ça dépend de l'âge de la personne. Ça dépend de ce qu'on cherche aussi. Est-ce qu'on cherche une action rapide? Est-ce qu'on cherche une action lente? On peut donner les antibiotiques sous forme de sirop de cuillère. On peut les donner sous forme de comprimé ou de gélules. On peut les donner en intraveineuse. On peut les donner en intramusculaire. Suppositoire, il y a des gels, des pommades à base d'antibiotiques. Ça dépend vraiment de l'usage, puis ça dépend de ce qu'on veut. C'est sûr que s'il y a une infection vraiment grave, puis que c'est dans un hôpital, on ne va pas s'amuser à donner des antibiotiques avec la cuillère ou en comprimé. C'est directement en intraveineuse qu'on le fait. Pour les enfants, c'est beaucoup plus facile de donner des antibiotiques suppositoires pour deux raisons. Premièrement, ça évite le mauvais goût. Donc, les enfants, ils n'aiment pas tous les sirops, bien que ça donne un sentiment désagréable. Et puis, deuxièmement, c'est que la voie rectale, c'est une voie très, très, très rapide. Oui. Parce que c'est une zone très, très vascularisée. Ouais. Mm-hmm. Ce qui fait que la voie est très rapide. Nouveau dérivé à TVA après la voie junior, la voie rectale. Oh. Dégueulasse, Mathieu, t'es dégueulasse. Ouais. Donc, ça dépend de l'usage, ça dépend de la rapidité du traitement qu'on cherche, puis ça dépend de l'âge et des goûts aussi. C'est sûr que plus on respecte le goût du patient, plus il va adhérer au traitement. Ben oui. Mais avec un système de santé qui est très demandé, très à la demande, on n'a pas le luxe de voir tous les goûts de tout le monde et puis de les respecter. Mm-hmm. La priorité, c'est de soigner et de contenir l'infection et la propagation de l'infection. Tout à fait. Est-ce que c'est encore à la mode à la banane, les antibiotiques, ou est-ce qu'on a changé puis c'est rendu au raisin, quelque chose comme ça? Les antibiotiques, non, c'est pas? Non, les jeunes enfants, hein? C'est à la banane. Moi, c'est à banane. C'est à banane, tout le temps à banane. Ben oui. Mais il me semble qu'à l'époque, c'était comme banane ou rien. Oui, il n'y avait pas... Non, là, aujourd'hui, il y en a... Toutes les sortes, hein? Oui. Toutes les sortes. Tu vas à la pharmacie, tu peux faire demander à faire mettre... Ben le non! Petit, je te jure. Genre au caramel? Non, je pense que c'était pas caramel. Est-ce que tu peux faire comme une slush puis demander genre toutes les saveurs mélangées ensemble? Ça me surprendrait. Puis ça vient qu'une paille, non? Non. Dans un gros verre, non? Je sais pas, non. c'est pas de la slush, je m'assure. c'est des antibiotiques. Si, si je le mets avec un bâton dedans puis au congélateur, ça peut devenir comme un popsicle. Essaye-le donc. OK, je vais essayer. Mais là, tu demandes pour les enfants ou pour toi-même? Ah là, je vais demander pour moi, mais tu sais, okay. comme un grand enfant. si tu vas chez le dentiste, là, ouais? demande 10 ans. OK. Ou chez le médecin. Merci. Mais tu sais, même avec ça, il faut être très prudent parce qu'il y a des substances qui sont dans la nourriture, mais qui peuvent interagir avec les substances qui sont dans l'antibiotique. Okay. Par exemple, le pamplemousse. Oui! C'est toutes les sortes de pilules, tous les médicaments, le pamplemousse, oui. c'est pas bon. Oui, absolument. C'est pourquoi... Attends un peu, je vais essayer. Faut pas en prendre. Faut pas en prendre parce que ça amplifie l'effet. Ça amplifie ce que ça devrait faire, puis ça va être trop pour toi. Oui, pourquoi? Pourquoi? Bon, dis-tu, je me souviens plus pourquoi. On avait cherché une fois parce que sur les pots, je pense que c'est de Tylenol, c'est marqué à ne pas prendre avec des pamplemousses. Ben, parce qu'ils l'écrivent jamais à part ça sur les emballages de médicaments, mais c'est super important. Je suis sûr que tu vas nous dire comme ça va être encore plus important. C'est à cause du taux d'acidité du pamplemousse, non? Non, c'est parce que on va, pour bien le comprendre, il faut comprendre le parcours d'un antibiotique dans le corps. Bien sûr que la dose qui est dans l'antibiotique, ce n'est pas ça la dose qui arrive aux cellules auxquelles l'antibiotique c'est est désigné. C'est comme un salaire brut versus ça. Exactement, c'est la même chose. À travers tout le parcours de l'antibiotique, la digestion, les sucs gastriques, les sucs pancréatiques, la dose diminue. Mais le pamplemousse, il fait en sorte que le foie, normalement, qui est responsable de nettoyage, mm-hmm. il nettoie moins. Donc, la dose qui devrait être diminuée, selon les calculs... elle ne l'est pas. Fait que t'as une plus forte dose. Pardon? C'est pas du tout moins? Moins. Moins, okay. C'est moins. Parce qu'il n'y a pas juste le foie. Il y a beaucoup... À toutes les étapes de la digestion, il y a des enzymes qui vont diminuer la dose de l'antibiotique. Est-ce que ça passe par la vésicule biliaire, Tania? Hein? Tania n'a pas de vésicule biliaire. Est-ce que c'est nocif pour elle de prendre... Ils me l'ont demandé, en tout cas. Ils m'ont dit, est-ce que tu t'es déjà fait opérer? Je n'ai plus de vésicule biliaire. Huh. Ils ont dit, ah, c'est bon, ça va. OK. Ben, la vésicule biliaire, c'est pas nocif de ne pas l'avoir pour les antibiotiques. C'est juste que ta digestion des lipides va être beaucoup plus lente que les gens normaux. Ouais. Mais c'est ça, comme je disais, puisque le foie, avec le pamplemousse, il nettoie pas aussi fort que sans pamplemousse, fait que tu vas te rendre avec une dose un peu plus supérieure avec l'antibiotique. Puis on s'entend avec ces substances-là, une toute petite dose pour nous, dire « Oh, mais c'est juste quelques milligrammes, c'est rien du tout. » Mais non, c'est quelques milligrammes qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort pour une bactérie, puis peuvent faire la différence entre un bon fonctionnement et un dysfonctionnement pour l'être humain. Ils vont pas le tuer, mais disons qu'ils vont peut-être tuer toutes ces bactéries, tout son pouls. Mais là, quand on parle de pamplemousse, on parle pas d'un quartier de pamplemousse, là. On parle d'un pamplemousse. C'est ça, on parle de pamplemousse. Okay. En général, même un petit peu, ou... Non, OK, c'est vraiment... Tu du pamplemousse. OK, si je prends un verre de pamplemousse tous les midis, c'est correct. Non, ben un verre tous les midis, chaque midi, ça c'est beaucoup. Oh. Pendant une antibiothérapie. OK. Mais c'est, vu que ça dit ça pour tous les médicaments, est-ce que je devrais arrêter d'en prendre complètement? Non. Parce que le médicament que je prends, mettons, je serais pas supposé prendre de pamplemousse avec. OK. Est-ce que t'as le médicament? mettons. Mathieu, moi, si je sais toi, je dirais pas ça à la radio, au cas où que ton médecin vous écoute. J'ai des conseils pour me rassurer, mais je pense que j'aurais pas ça maintenant. Je crois que j'avais dit la toute première chronique que je donnais pas le conseil. Non, elle n'est pas médecin. Non, Juliette. Mais on parle. Oui. Je sais pas, moi je te dirais, parle-en à ton pharmacien pour être sûr. Non, sérieusement, parle-en à ton pharmacien pour être sûr. Ben, j'aime vraiment ça. Lâche donc le jus de pamplemousse, c'est tellement bon! Mais oui, mais là, Mathieu, tu vas te tuer. Oh. Ah, mais moi, je serais mort heureux avec du jus de pamplemousse. Ah, bon, ça va juste peut-être avoir des diarrhées. Ou pire. Peut-être. C'est ça, le café ou le jus de pamplemousse, décide. Un des deux, c'est ça. Bon, ben, le mot de la chronique, c'est il faut éviter. Éviter, comme si on éviterait la peste, de prendre des médicaments tout seul. Éviter de prendre des médicaments qui restent d'une prescription antérieure. Et surtout, il ne faut pas trop insister chez vos médecins de prendre « Ah, moi, j'ai besoin d'un antibiotique, j'ai besoin d'un antibiotique. » Les gens font ça, ils vont chez le médecin, chez le médecin, puis ils disent « Oui, je veux un antibiotique. » Puis des fois, c'est comme un placebo. Dans la tête des gens, c'est « Si je ne prends pas un antibiotique, je ne vais pas guérir. » Non, c'est faux. Des fois, il faut juste donner le temps au système immunitaire. Il faut donner le temps au corps pour pouvoir remonter la pente. On n'a pas toujours besoin d'un antibiotique. Et c'est le médecin qui est le mieux placé pour le savoir. Ah, que c'est beau. Je peux pas, je vais rien dire d'autre parce que ça finit parfaitement bien la chronique. Tout à fait. Parce que sinon, j'aurais pu dire genre que ah, on a l'impression d'avoir un baccalauréat en bactéries. Oh, hé, hey, on a entendu ta main d'en face. J'en doute pas. C'est que... ça valait la peine. Merci à la Sania Couilly. Ben, merci à toi. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On se retrouve dans 2 semaines. Oui, exactement, pour une nouvelle chronique. Du bus magique. Absolument. J'aime tantôt. Quand la Sania, tantôt, elle a fait deux doigts, ça ressemblait vraiment à deux doigts qui s'insèrent dans non, ton... Mathieu. OK. Merci, la Sania. Merci. À la prochaine. On pause. On revient avec ta chronique à toi. On fait 2 chroniques oui. Combo. Exactement, combo aujourd'hui. 2 combos. Ploup! Oui. Ta chronique sport et filoché et le bus, pas le bus magique. Voilà. Le gars, il a des problèmes dans la tête. Hein. C'est correct. On revient. Merci. À tantôt. Aujourd'hui. C'est fou, c'est fou. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web. Vous êtes à C'est fou. 89.1. Trois-Rivières. Vous êtes à C'est fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Qui en ce lundi 14 novembre 2016, elle est Tania Bolin. Et Mathieu Plante. On est à 2 doigts de 2 chroniques de Tania. Espère filocher en premier, mais avant ça, une pièce de pop. Voici Can't Win. Ouh. 89 FM, c'est cool. Yeah. bien, c'est Can't Win par nos amis de Pop à Assemblage Rocky. Avant de continuer, tantôt, on avait Alassania Couilly tantôt avec nous et on a oublié de la féliciter pour quelque chose de vraiment cool. Elle a gagné le prix Meilleur projet de tourisme. Elle a créé Côte-Nord Grandeur Nature avec son équipe. Donc, je la cite sur Facebook. Chaque jour, un nouveau défi. Chaque jour, un chapeau différent. Métallurgie, bioalimentaire, tourisme et matières résiduelles. Pendant une semaine, nous nous sommes challengés et surtout, nous avons bravé le froid de la Côte-Nord pour créer Côte-Nord Grandeur Nature. Résultat, prix Meilleur projet de tourisme. Merci à mon équipe qui, par son dynamisme et sa synergie, a fait de cette semaine l'une des plus enrichissantes. Donc, c'est bon à apprendre. Félicitations. Bravo à la Sania. Et maintenant, on va changer complètement de domaine. On va parler de sport. Oui. Voici Sport et Filoché. Du côté de Sport et Flushé, ça va se faire quand même assez rapidement, Mathieu, parce que on a pas eu une extrêmement grosse fin de semaine du côté des sports universitaires. Puis on le sait, dans Sport et Flushé, la plupart du temps, ce qu'on va survoler, c'est le sport universitaire, mais aussi les sports locaux. Donc de ce côté-là, même du côté du sport local, ça n'a pas été une extrême grosse fin de semaine où on avait plusieurs matchs. Donc vous allez voir, ça va bien se passer. Puis par la suite, on va comme sauter à pieds joints d'Antonia et Zgona Titania. Donc du côté du sport universitaire, eh bien pour les Patriotes de l'UQTR, on était sur la route toute la fin de semaine. On n'a pas joué de match local ici à Trois-Rivières. Ça s'est passé plutôt du côté de l'Ontario. Donc on a joué du côté de Toronto et aussi du côté de Brock University. C'est un petit peu plus haut dans le coin de l'Ontario. Mais vendredi, on était du côté de Toronto pour aller jouer contre eux. Je pense que c'est comme la deuxième saison simplement qu'on voit Toronto ou encore même la première. Je te dirais que j'ai pas vu souvent les gars de Toronto descendre ici à Trois-Rivières pour jouer un match. Je sais pas si c'est parce que la plupart du temps, je suis juste pas disponible pour voir les Patriotes jouer contre Toronto, mais je suis persuadée que c'est quand même un très, très bon calibre, voire même, tu sais, on dit souvent la fameuse rivalité. Redmond de McGill, UQTR. J'ai comme l'impression que Toronto, ça serait du style à avoir le même style de joueur robuste, fort et rapide que McGill. Donc, j'ai bien hâte de les voir descendre ici à Trois-Rivières. Espérons bientôt pour justement voir ça. Mais malheureusement, nos Patriotes ont eu une défaite en temps supplémentaire. Donc, ça s'est fait contre les York Lions de l'Université de York, bien évidemment, à Toronto. Asselin et Delisle ont été les marqueurs et heureusement, les joueurs de Marc-Étienne Hubert ont eu la chance de se reprendre dès le lendemain parce que le lendemain, on allait jouer ailleurs en Ontario. Donc, comme je le disais, les gars de Toronto ont l'air assez solides. Malheureusement, j'ai pas le score même, à savoir, on a perdu combien à combien du côté de Toronto, mais samedi, on a eu le temps, comme je le disais, de pouvoir se remettre sur pied, se vider les idées un petit peu suite à cette défaite-là et de repartir de bon pied. Donc, on l'a emporté face à Brock Badgers 6-2. Morin et plusieurs autres joueurs ont fait des tours du chapeau. Donc, félicitations à nos Patriotes de l'UQTR. Petit lapin! Exactement. Lemay, Delisle, Asselin ont vraiment complété la marque finale du match. On parle de 6 buts différents. Le prochain rendez-vous va être vendredi le 18 novembre, ici même au Colisée de Trois-Rivières. J'ai 6 buts différents, là, j'aimerais vraiment ça si un jour il y avait 6 buts, mais tout le temps le même. Tout le temps le même gars? Tout le même but. Ah, tout le temps. Oh boy. Je vais aucunement commenter sur ça, Mathieu. Je disais aussi que du côté de la natation en fin de semaine, on était sur la route aussi. On était du côté de Montréal pour un championnat de natation. Par contre, les résultats ne sont pas encore tous compilés. Donc, on n'a pas encore les résultats finaux des Patriotes de l'Équateur. C'est Donald Trump, c'est sûr. C'est sûr que c'est à cause de lui. Donc, du moment que tous les résultats vont être sortis, demain matin, je m'assurerai de vous transmettre l'information. Mais sachez que jusqu'à présent, ce que j'ai pu voir sur les médias sociaux, c'est que ça se passait quand même bien pour nos Patriotes de l'UQTR, que ce soit du côté de nos nageuses comme du côté de nos nageurs. Donc, on espère qu'on a quand même fait quelques points de ce côté-là et on leur souhaite la meilleure des chances pour leur prochaine compétition. Voilà. Du côté du Blizzard de Trois-Rivières, eh bien, ça fait quelques fois qu'on le dit, ça va juste comme pas super bien. C'est pas le début de saison qu'on espérait pour le Blizzard de Trois-Rivières. Vendredi, on a perdu 5-1 face aux Marquis de Jonquière. Marquis de Jonquière qui ont des joueurs assez, assez solides sur leur patin. Ils sont beaucoup plus larges que nos joueurs aussi. C'est ce que j'ai remarqué. Les joueurs de Trois-Rivières, que ce soit les Patriotes ou que ce soit le Blizzard, on semble avoir vraiment des petits joueurs de hockey. Pas très, très larges, mais quand même, le Marquis de Jonquière a été très, très solide sur notre patinoire ici même à Trois-Rivières. Et c'est ce qui a fait en sorte que les Blizzards ont malheureusement perdu. Et samedi, on a eu une autre défaite aussi, mais sur la route cette fois-là, contre Rivière-du-Loup. Donc, match qui s'est terminé 6-5. Par contre, ça a été une belle remontée pour le Blizzard de Trois-Rivières à Rivière-du-Loup. Il faut le dire, dès la fin de la première période, on perdait déjà 5-0. Et lorsqu'est venu le temps de faire la deuxième période, eh bien là, les buts se sont alignés un à la suite de l'autre. Malheureusement, on a comme manqué de temps pour pouvoir justement soit faire égalité ou vaincre l'équipe de Rivière-du-Loup. Mais quand même, une défaite, c'est une défaite. Ça en met une autre sur les statistiques de l'équipe. Mais on le sait encore une fois qu'il y a quelques changements qui sont faits au sein de l'équipe. On dirait qu'on ne sait pas encore sur quoi mettre le bobo du mal, de la malchance, en fait, du début de saison du Blizzard de Trois-Rivières. Ça fait quelques fois que je discute avec des gens qui sont de grands amateurs du Blizzard de Trois-Rivières, qui sont là depuis des années. Et on n'arrive juste pas à voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Est-ce que c'est quelque chose dans la chambre? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe en arrière du banc? Est-ce que c'est vraiment un manque de communication flagrant sur la glace? Cette fin de semaine, vendredi, ça semblait vraiment être ça, en fait. Ça semblait être un manque de communication au sein des trios, sur la glace même. Peut-être aussi une petite défaillance du côté de la défensive. On semblait penser que le gardien de but était le seul à pouvoir nous sauver à certains moments. C'est ce qu'il a très bien fait quand même, malgré la défaite. Mais bon, du côté de ton équipe favorite, le Mathieu. Le conjugaison bien joué. Oui, exactement. Ça. Le climatisation. C'est encore vraiment proche. Cloutier. Vendredi, on a eu une victoire de 5-4 contre Donnacona ici à Trois-Rivières. Par la suite, on partait sur la route pour Latuc. Donc, dimanche, on a eu une défaite de 7-4 face aux Loups de Latuc. Par contre, ce qu'il faut comprendre... Les Loups? Oui, les Loups, Mathieu. Les Loups. C'est, par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est toujours premier au rang. On est toujours premier au classement de la Ligue, donc ça se passe bien. Et le match, le prochain match qui va être ici à Cap-de-la-Madeleine ou à Trois-Rivières, vendredi prochain, est quand même assez décisif parce que la Louisville s'est mise au deuxième rang et c'est contre eux que l'on va jouer vendredi. Donc ça va comme décider qui va conserver ou va prendre la première place pour les prochaines semaines. Alors si jamais vous avez quelques temps, allez faire un tour du côté de l'aréna Jean-Guy Talbot parce que ça a toujours un très très bon spectacle du côté de cette équipe-là. Ouais. Voilà. Combat de griffes. Oui, tout à fait. C'est ce qui était les sports. Tu comprends? C'est pas beaucoup de sports, ouais. Non, j'avoue. Pas beaucoup de sports. Ça s'est fait très, très rapidement mais ce garçon, matin. Ça arrive directement à la fin de ta petite chanson. Ah! Oh. Ça nous amène à Tania Is Gonna Entertain You. Oh! C'est pas cute! C'est beau. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Ah, Tania qui nous fait un petit doublon aujourd'hui, deux chroniques dans la même journée, c'est génial. On adore ça. Donc, on parle de quoi aujourd'hui dans Tania is gonna entertain you? Ben écoutez, je vais vous parler d'un événement qui se déroule du 14 au 17 novembre. Donc, si je ne me trompe pas, le 17, c'est bien jeudi, ça se termine jeudi. C'est ici même, à l'UQTR, dans le hall Gilles Boulet. Par contre, qu'est-ce que c'est? C'est la foire du livre de l'UQTR. C'est organisé par la Coopsco de Trois-Rivières, mais c'est une très maintenant. La foire du livre va avoir lieu cette année. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est comme le moment d'offrir un de vos livres en cadeau à un enfant dans le besoin ou encore de magasiner vous-même pour vos cadeaux de Noël. Il y a jusqu'à 70 % de rabais sur les livres qui se retrouvent à la Coopsco qui sont pour la foire du livre. Donc, c'est un moment quand même assez cool. Si vous voulez te débarrasser de certains livres que... Tiens, non, mais... C'est le fun d'avoir des livres. C'est vraiment le fun d'avoir une bibliothèque. Pas la place. ça prend énormément de place. Puis si vous déménagez, c'est vraiment une des choses les plus plates à déménager. Malgré le fait que j'adore lire, c'est vraiment difficile parfois de pouvoir conserver autant de livres. Puis c'est très, très rare aussi qu'on va décider de se remettre à lire un livre ou une série de livres qu'on a déjà lus. Donc, de ce côté-là, c'est comme le moment parfait pour vous de soit éliminer des livres et de vous emmagasiner encore un petit peu sur le side. Et en même temps, ça va bénéficier à un enfant défavorisé. Alors, quoi de mieux que de faire le tri de vos livres? Absolument. Au pire, même si c'est juste pour suivre la règle du... Il y a bien des gens qui suivent ça. C'est que si tu achètes quelque chose ou amènes quelque chose dans ta maison, il faut que tu enlèves quelque chose d'autre. Exactement. Cette règle-là est très bonne. Donc, vous achetez un livre, vous en donnez un autre. C'est bon. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est sûr que je vais aller y faire un tour. Donc, comme je le disais, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à jeudi. Il n'y a pas encore d'heure, donc j'imagine que ça va terminer en soirée jeudi, si jamais vous voulez y aller. C'est ouvert à tous, pas nécessairement juste aux étudiants, sachez-le. Donc, si vous êtes genre à vouloir faire justement ce soir le tri de votre bibliothèque, passez demain puis laissez ça. Il n'y a aucun problème. En fait, vous laissez ça dans la boîte prévue juste à côté de la Coopsco. Donc, vous allez déposer vos dons dans une boîte qui est là, déjà installée, qui va être aussi écrite, j'imagine, foire du livre. Il fallait fouiner un petit peu. Et je me suis dit, quoi de mieux que de continuer à parler de livres, tout simplement, comme ça, pour vous donner peut-être quelques idées à quoi lire durant le mois de novembre. Je suis allée faire un petit tour sur le site Internet d'une de mes amies, qui est le Fil Rouge, qui est un site littéraire. On parle beaucoup, beaucoup de littérature sur ce site-là. En fait, on ne parle que de littérature. Et elles nous font des suggestions d'essais pour le mois de novembre. Donc, c'est un défi. Ça s'appelle « Je lis un livre québécois par mois ». Et en novembre, elles se sont vraiment... mis sur le cas des essais, c'est-à-dire de petits recueils, c'est pas nécessairement un gros roman. Donc, si vous êtes des adeptes de littérature ou vous êtes des adeptes de nouvelles, eh bien, allez faire un tour. J'en ai quelques idées pour vous. Le premier, en fait, ça s'appelle « Cerveau, hormones et sexe ». Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un essai qui parle des questions de différence entre l'homme et la femme, mais au niveau neurobiologique et au niveau psychologique. Donc, tout ça dans un point de vue féministe, mais comme l'indique la couverture, la question principale n'est pas nécessairement à savoir qui est bon, qui est mauvais ou comment est-ce que ça se termine, tout ça. En fait, la question principale de cet essai-là, c'est pas nécessairement, comment je pourrais expliquer, c'est pas nécessairement de savoir justement si le cerveau a un sexe, si on peut expliquer quelque chose neurobiologique par rapport à justement un sexe, mais la question est beaucoup plus pertinente, c'est à savoir pour qui est-ce qu'on peut justement poser ce genre de questions-là, que ce soit féminin, que ce soit masculin, on se pose tous... en général, le même type de question. Alors, pourquoi on est tout le temps en train de dire pour une fille ou pour un gars, c'est comme ci ou c'est comme ça? Une convention sociale. Exactement. Donc, cet essai-là va vraiment vous plonger dans un essai plutôt féministe qui touche quand même aux stéréotypes des genres et au fonctionnement de nos cerveaux. Et ça promet d'être très, très, très intéressant. Et ça, c'est selon Marjorie Réon. Mais il y a Martine aussi qui, elle, vous suggère « Sous la ceinture ». Qu'est-ce que c'est? C'est un collectif qui est dirigé par Nancy B. Pilon sur la culture du viol. Donc, on parle souvent de ça ces temps-ci. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, eh bien, c'est un sujet quand même assez d'actualité qui mérite d'être questionné. Et c'est un collectif, en fait, qu'il fait avec brio, selon une des collaboratrices du blog. C'est la multitude d'auteurs invités qui se sont tous mis ensemble pour, justement, écrire cet essai-là qui rend ce petit livre encore plus riche et qui démontre que toutes les problématiques sociales découlent de cette culture du viol, en quelque sorte. Donc, un ouvrage qui est nécessaire à lire jeune ou vieux, femme ou homme, selon la collaboratrice Martine sur le blog aussi. J'ai un autre livre, si vous êtes du moins à pas nécessairement toujours aimer les essais, mais si vous êtes du style plus roman, tout simplement, eh bien, j'en ai un pour vous, ça s'appelle « Nouvel onglet ». Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est un livre qui va vraiment vous porter sur la réflexion parce qu'on se pose tous en fait ce genre de questions, à savoir comment est-ce qu'on se sent après plusieurs épreuves de notre vie. Et Thomas, qui a lu le livre sur le site, explique lui-même que dans le livre, il y a une des plus belles illustrations qui peut pas être faite du livre lui-même, c'est-à-dire... Je lisais de la fiction contemporaine pour trouver des réponses à mes questions. Ça me faisait du bien de constater que d'autres gens étaient habités par mes préoccupations, des problèmes de communication, d'anxiété, des problèmes d'Internet. Il y a un avant et après les livres dans ma vie et Ken Bowman a déjà écrit sur Twitter « Books will fuck you up » et c'est vrai, les maisons d'édition devraient l'utiliser comme slogan. Donc, cet extrait-là, c'est un extrait du livre, mais qui résume tellement bien justement ce livre-là, selon la personne qui en a fait... qui en a fait un petit peu la critique. Et on dit que c'est très, très bon aussi à lire avec une bière en se sentant un petit peu moins seul dans nos propres problèmes. Et ça va justement ouvrir cette espèce de nouvel onglet dans sa vie-là. Et le livre, si vous cherchez qu'est-ce que c'est, eh bien, c'est un livre de Guillaume Morissette qui s'appelle « Nouvel onglet ». Sympathique. C'est sympathique, tout à fait. Et il y en a un dernier que j'aimerais vous proposer aussi. C'est un livre qui est arrivé dans les mains d'une des collaboratrices du blog de façon assez mystérieuse. En fait, elle est passée devant à quelques reprises dans la bibliothèque. Il faisait un petit peu de l'œil. On savait pas trop qu'est-ce qui se passait avec la page couverture. Elle dit, c'est vraiment la page couverture qui m'a amenée à me dire, bon... faudrait peut-être que je le lise, honnêtement. On est tellement superficiel, hein? Exactement. Elle l'a relu au moins 5 fois depuis et avec autant de ferveur chaque fois. Donc, elle est tombée en amour avec un univers et les mots. Elle a tenté d'en faire une adaptation aussi au théâtre dans son cours universitaire et elle espère que ça va justement découler vers d'autres choses que de simplement ce cours-là. Mais c'est un milieu artistique et intello du New York des années 70 et l'histoire est racontée au passé par son narrateur. Donc, on est comme les témoins du moment de la vie du personnage principal. Il y a des profondeurs émotives qui sont très, très bonnes. Il y a l'évolution aussi des personnages qui semblent être assez exceptionnels. Et le livre s'appelle « Valladolid, Yucatan » et c'est un roman nécessaire pour le cœur et pour l'âme si vous vous sentez un petit peu... comme en novembre, quoi. Oui. Il commence à faire froid, puis... Dépression un peu. On a besoin d'une doudou si on est seul, célibataire, voilà. Ouais, on se comprend. Donc, c'était mes suggestions de livres selon Le Fil Rouge, qui est un blog littéraire. Allez faire un tour, c'est chez lefilrouge.co et vous avez vraiment des panoplies de suggestions à ce que vous pouvez lire. Et sinon, allez faire un tour à la Foire du Livre, ici même à Trois-Rivières, à l'UQTR, du 14 au 17. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous en prenez un, ben amenez-en un. Ben oui. Parce que ça va bénéficier quelqu'un d'autre. À un enfant dans le besoin. Quand tu parles d'enfant dans le besoin, je m'imagine tout le temps un enfant dans sa couche. Moi, je sais, mais dans son besoin. Pourquoi tu t'imagines pas, genre, la petite fille aux allumettes à la place? Excuse-moi, je sais pas. Terrible, Mathieu, terrible. C'est ma tête et demain. Ouais, bon, c'est vrai. Tu me lignes sur l'assemblagerequis.com, sur la page Facebook, excuse-moi, l'assemblagerequis. Merci, Tania Baudin. Fait plaisir. On écoute une pièce de The Pack 80. C'est So What? Et après ça, invité spécial dans quelques minutes. Play again, play again, and again, and again, try. Paquet avec Soat. Au retour, on parle du pôle d'économie sociale de la Mauricie. À l'Assemblage Rocky, restez là. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Assemblage Rocky pour toi, aujourd'hui. Vous écoutez Assemblage Rocky en ce lundi 14 novembre 2016. Et Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Ouh, merci de le reconnaître. À ça chaque fait fois. Plaisir. C'est tout un. Waouh. Je me suis dit, waouh, Mathieu Plante, le Mathieu Plante de l'émission Assemblage Rocky. Oui, comme le Mathieu Plante. C'est ça. Bref, savais-tu, Tania, que c'est le mois de l'économie sociale en Mauricie? Tu vois, je ne savais pas du tout. Ben non, mais là, on l'apprend. Puis pour en parler, on a Jacinthe Allard, qui est agente de communication et de développement au pôle d'économie sociale de la Mauricie. Bonjour à toi. Bon matin. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Oui. Qu'est-ce que le pôle d'économie sociale en Mauricie, pour commencer? Le pôle, on est une organisation régionale. Donc, on fait le rayonnement, la promotion de l'économie sociale pour la région de la Mauricie. On est situé à Trois-Rivières, mais on couvre l'ensemble du territoire de la Tuque à Louisville jusqu'à Saint-Tite. Et toi, t'es agent de communication, t'es là pour parler de ce pôle-là et de le faire connaître? Ben effectivement. Puis, je suis là aussi pour faire un petit peu un agent de liaison pour les entreprises d'économie sociale qu'on retrouve en Mauricie. Les entreprises d'économie sociale, c'est tout ce qui est coopérative, des OBNL qui vendent un produit ou un service. Donc, on en a 218 présentement en Mauricie. Donc, c'est un peu aussi un travail d'assurer les communications auprès de ces entreprises-là, faire des activités, dont d'ailleurs une que j'allais vous parler aujourd'hui. Quel beau hasard! Tu parles du 5 à 7 de Speed Dating, le conseil d'administration qui s'en vient le 22 novembre. Oui. C'est ça. Premièrement, c'est où? À la Chasse-Galerie. Ah, simple, oh, comme ça. Ici, hey, en plus. On a chassé le vide-boue, puis y aller. Voyons, on y est. C'est super simple. Donc, qu'est-ce que c'est un speed dating de conseil d'administration? Là, ça nous donne en tête une petite clochette qui sonne à chaque... Ça va-tu se frencher? Ça va-tu se frencher? Ah, oh, Tania! Ben, c'est un speed dating! T'as raison, t'as raison. Ben, tu sais, coucher avec le boss, des fois, c'est une formule un petit peu différente, là. On l'a appelé speed dating parce qu'on veut que les entreprises puissent rencontrer des étudiants. Okay. En fait, il faut avoir 18 ans et plus, là, pour siéger au sein d'un conseil d'administration. Donc, c'est un petit peu un prérequis pour participer à l'activité. Mais on veut que les entreprises puissent, de façon informelle, dans un cadre un peu différent, rencontrer des jeunes qui seraient intéressés à s'impliquer au sein du conseil d'administration. On fait ça sous formule speed dating, un peu pour imaginer la formule, mais en fait, ça sera des rencontres assez express, rapides. Environ 5 minutes, là, les jeunes pourront se déplacer d'une table à l'autre où une entreprise sera assise, puis pourra rencontrer l'entreprise, parler de son entreprise, voir les besoins, puis voir rapidement s'il y a un intérêt, s'il y a des valeurs qui sont communes. Puis ensuite, ben, vu que c'est à la Chasse-Galerie, ben, il y aura toujours lieu à ce que les gens restent sur place puis continuent des discussions informelles. Oui, c'est ça. Ben, c'est bon parce que ça crée des liens entre les entreprises et les gens. Et puis après ça, le conseil d'administration, c'est toujours bon pour un CV aussi. Oui, donc, il n'y a que davantage à aller se présenter là. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait sinon se présenter sur un CA? Bien, c'est des expériences hyper enrichissantes. On ne se le cachera pas. C'est des entreprises, c'est une façon de voir différentes facettes, là, de tant au niveau de l'administration, de la vente, le produit, le service, mais vraiment aussi de pouvoir s'impliquer au sein d'une entreprise, mais de ce qu'elle vend ou est-ce qu'elle propose. Ouais. Donc, c'est vraiment enrichissant là, de pouvoir participer, s'impliquer là, au sein d'un conseil d'administration. Le CA, c'est vraiment les grandes directions d'une entreprise qui sont discutées là-dedans, j'imagine. Tout à fait. Puis on fera quand même un petit aparté là, avant de débuter l'événement, là, juste pour s'assurer, faire une mise au point sur les rôles d'un administrateur pour s'assurer là, que les gens aussi se situent bien aussi là, dans quoi ils pourraient s'embarquer. Mais d'emblée aussi, c'est vraiment pour rencontrer l'entreprise. Là, on signe pas un contrat, là, c'est vraiment juste d'aller voir des entreprises qui pourraient plaire aux étudiants, aux jeunes qui pourraient s'impliquer, là, qui auraient un intérêt de s'impliquer. Mm-hmm. Quelles sont les quelques-unes des entreprises qui vont être présentes ce soir-là? En fait, il y a la radio C'est fou qui sera présente. Mais dis-moi en plus sur cette radio. Ça a l'air bon, ça, cette radio-là. Oui, c'est une très bonne radio. Donc, C'est fou sera là à titre d'entreprise d'économie sociale. Également, une autre radio, la radio de Shawinigan, radio C'est futé. Il y a également... je cherche mes notes, là, juste un petit moment. L'entreprise Collecte Pro. Donc, c'est une entreprise qui fait la collecte et le transport de matières résiduelles. Ah. Donc, pour ceux qui auraient peut-être un intérêt au niveau des valeurs environnementales, ça peut être super intéressant. La Gazette de la Mauricie, cherche pas nécessairement actuellement comme administrateur, mais peut-être pour d'autres implications. Dans ce cas-ci, là, c'est la seule, là, je dois l'avouer, là, que c'est peut-être pour d'autres besoins. Une nouvelle entreprise qui s'est créée en lien avec le cours sage-femme ici à l'UQTR, l'auberge auto-gérée des étudiants sage-femmes québécoises. Mm-hmm. Donc, seront également présentes. Puis, Coop HD, qui est une entreprise de Trois-Rivières. Puis on attend encore quelques confirmations. Donc, aussi d'autres entreprises qui ne peuvent pas être présentes, mais qu'on fera la promotion de ce qu'ils font et de leurs besoins. Ça risque d'être super motivant. Ben, en fait, c'est un petit 5 à 7, hein, fait que c'est pas très long. Ça peut vous permettre de rencontrer des gens, des entreprises, de créer des contacts. Donc, oui, ça peut être très motivant puis très, très intéressant. Il faut absolument confirmer sa présence. Entre autres, aussi, il y a une consommation qui sera offerte là, sur place. Ça convainc bien du monde. Oui, ouais. Je le dis comme ça. Mais vu aussi qu'il y a des places limitées, là, l'inscription est obligatoire. On confirme au pôle d'économie sociale Mauricie. Donc, vous coordonnez. Ben, en fait, je peux la nommer. Là, c'est Jacinthe, je l'écris avec un I, à commercial esmorcy.ca. À ceux qui manquent ton adresse courriel, écoutez l'Infocampus qui joue 4 fois par jour en ce moment. C'est mentionné dedans, vous ne pouvez pas vous tromper. Petite question que j'avais comme ça, absolument pas trop nécessairement en rapport. Entre OBNL et OSBL, mettons, OSBL, c'est sans but lucratif. Oui. Puis non lucratif. Plus non lucratif. Oui, c'est le même. C'est la même chose, OK. Oui, c'est ça, la même chose. Ça a changé avec le temps, là. Maintenant, on dit OBNL. Ah, eh bien, eh bien. Donc, le 5 à 7 speed dating de conseil d'administration, c'est le 22 novembre. Est-ce qu'on doit amener un curriculum vitae? Est-ce qu'on a quelque chose à amener si on y va? C'est pas obligatoire, mais ça peut être effectivement très, très pertinent pour l'entreprise de pouvoir conserver les coordonnées puis avoir sur papier là, le background, l'expérience de la personne. Donc, effectivement, oui, ça peut être fortement suggéré de pouvoir l'apporter. Ta photo dans le coin? Pas de photo dans le coin. Seulement les étudiants ou n'importe qui de la Mauricie peut s'inscrire en quelque sorte? Non, ça peut être également, c'est ouvert à tous. Okay. On le fait ici à l'UQTR, puis on cible davantage les étudiants parce qu'on souhaite que les jeunes donc puissent avoir cette opportunité-là. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est peut-être une façon d'aller les chercher, mais non, c'est effectivement offert à tous. Là. Il y a pas, c'est juste qu'on doit confirmer à l'adresse qu'on vient de donner tout à l'heure. Tout à fait. Tu disais qu'il fallait un âge minimum aussi. Hein? Oui, 18 ans. Plus. À cause que c'est dans un bar ou pour être dans un conseil d'administration, c'est ça? Pour être dans un conseil d'administration. OK. Est-ce qu'il y a d'autres qualités à avoir pour être dans un conseil d'administration? Bien, en fait, c'est sûr que d'avoir peut-être tout ce qui est un côté plus gestionnaire, mais ça peut se développer, mais... Les qualités, non, je voudrais même pas d'en nommer pour pas... C'est plusieurs postes dans un CA. Oui, c'est ça, puis plusieurs postes. C'est des postes d'administrateurs. Après ça, il y a le conseil exécutif où les administrateurs sont nommés soit à titre de président... Trésorier, ainsi de suite. Mais je pense que je limiterais pas ça à dire qu'il y a besoin de critères d'expérience précis parce que c'est ouvert à toutes sortes d'expériences puis à toutes sortes de programmes ici, là, des gens qui sont à différents programmes d'études. Donc non, il n'y a pas de limite. Là. J'oserais pas en nommer. Il n'y a pas de limite, name it. C'est ça. Tout le monde est bienvenu. Donc c'est le 22 novembre, 5 heures? 5 heures. 5 heures, 5 à 7. On se casse pas la tête, hein? 17h à 19h à la Chasse Galerie. Donc, le 5 à 7 speed dating de conseil d'administration, c'est avec le pôle d'économie sociale, c'est ça, le pôle d'économie sociale Mauricie. Et c'est le mois de l'économie sociale en Mauricie. C'est ça. Les mots sont pas les mêmes. Non, hein? Mais c'est proche. C'est ça. Ça se ressemble. Oui. Et Jacinthe Allard, qui est agente de communication et de développement, on te remercie d'être passé à l'émission. Merci à vous. On s'en reparle, on va se voir probablement jeudi, étant donné que c'est fou et là-dedans, on va se croiser, c'est pas mal certain. Mais pas jeudi, mardi le 22. Mardi le 22. Parfait. Oui. On voit que t'as écouté, hein? Non, mais oui, mais là, 22, pour moi, ça avait l'air d'être jeudi. Mais mardi. Mardi. Mardi. Mardi le 22. Pas là. Mets ça à ton agenda, pas mardi demain, mardi l'autre après. Mm-hmm. C'est ça. Merci, Jacinta. Merci à vous. Mardi, 22 novembre, on va se le dire. Oui. On prend une petite pause, encore une fois, mais musicale. Cette fois-ci, on s'en va entendre une pièce de Croy, c'est River. Et après ça, on se retrouve avec un petit peu de C'est un fait. Ouh. À Assemblage requis. Reste là. Yes, River! Là, ça va être qui? Tania? Oui? Est-ce que t'as envie d'en savoir plus sur ce qui se passe sur notre beau petit campus? Ben, vas-y donc. OK. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Le dimanche 20 novembre prochain aura lieu au CAPS de l'UQTR le tournoi de financement de badminton pour les Patriotes. Le tournoi se déroulera entre 8h et 18h. Plus de 300$ en prix à gagner. Pour s'inscrire, bad.uqtr@hotmail.ca. Le coût d'inscription est de 25$ pour les adultes et 20$ pour les juniors. Le mardi 22 novembre aura lieu le speed dating des conseils d'administration des entreprises d'économie sociale de 17h à 19h. Le but de l'activité, recruter des jeunes au sein des CA et la chasse-galerie est l'hôte de l'événement. Veuillez confirmer votre participation à Jacinthe avec un i à commercial-esmauricie.ca. Une confirmation est un engagement de votre part. Le deuxième Startup Weekend Shawinigan se tiendra les 18, 19 et 20 novembre prochains. L'événement aura lieu au DJ Hub de Shawinigan et c'est l'occasion idéale pour développer votre âme d'entrepreneur. Des mentors seront sur place pour guider les participants. Pour s'inscrire, il faut aller sur Eventbrite et chercher Startup Weekend Shawinigan 18, 19 et 20 novembre 2016. Les courses de l'environnement et du développement durable vous interpellent? L'Association universitaire du Bac vert est à la recherche de nouveaux membres. Pour manifester votre intérêt à faire partie de cette association, écrivez à Bac vert, B-A-C-C-V-E-R-T, à commercial@hotmail.com. La cinéaste et scénariste Chloé Robichaud sera à l'UQTR le vendredi 18 novembre. Madame Robichaud est notamment connue pour le film Sarah préfère la course, sélectionné dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. L'entrée est gratuite, l'activité se déroulera au 1200 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Faites part de votre intérêt à manon.côté à commercial.uqtr.ca. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. L'Info Campus qui est écrit par le rédacteur en chef du journal Zone Campus, David Ferron, et lu par Tania Baudin. Alors, on discute ça deux fois dans Assemblage Requis, une fois à midi et une fois à 18h, donc quatre fois par jour, ici même à C'est fou. Maintenant, il reste une dizaine de minutes avant la fin de l'émission, hein, entre une dizaine et une quinzaine avant C'est fou le sexe. Donc, juste assez de temps pour apprendre des choses. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Hein? Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tania qui se mettait du lip-syl pendant que je chantais. Ben, j'ai les babines qui gercent. Les babines! Commençons par, je sais pas si tu savais que les Cubs avaient gagné contre les Indians dans la Ligue majeure de baseball il y a quelques semaines. Donc, on se demandait qu'est-ce qui se passait aux vêtements gagnants des Indians dans le cas où ils avaient gagné. Donc, on a fait des t-shirts à l'avance. J'ai déjà parlé à l'émission que d'habitude, les chandails s'en allaient pour des bonnes œuvres. Mais là, cette fois-ci, c'est cruel le sort qui est réservé aux vêtements gagnants, entre guillemets, des Indians. Donc, les ligues de sport professionnelles n'ont pas de temps à perdre lorsqu'on veut célébrer un championnat ou donc le fait de gagner. Dans la NFL et la MLB, les équipes qui se rendent jusqu'au Super Bowl ou encore aux séries mondiales ont déjà imprimé leurs t-shirts, leurs casquettes et d'autres marchandises pour se féliciter d'une victoire. Ce qui veut dire que l'équipe perdante a un inventaire de vêtements déclarés gagnants, mais dans le fond, sont perdants. C'est ridicule. Normalement, ça va à des œuvres charitables, comme j'ai dit tantôt, mais plus maintenant. Cette semaine, la MLB, la semaine passée, je crois, la MLB a annoncé que les équipements, les vêtements avec les Cleveland Indians qui gagnaient pour les séries mondiales de 2016 à être détruits complètement. La Ligue a cité le fait que les produits des fois pouvaient se rendre jusqu'aux clients, jusqu'aux consommateurs, malgré un protocole de retour qui est absolument strict. Donc, on doit ramener les vêtements, on doit les renvoyer aux fournisseurs. Okay. Une fois la série mondiale terminée, on est supposé renvoyer les produits. Vision Mondiale, l'organisation qui précédemment était responsable de la distribution des vêtements dans des parties du monde qui sont pauvres, a dit à ESPN.com, oui, qu'il ne... connaissait aucun produit par le passé qui s'était rendu jusque dans les mains des consommateurs américains. Donc, normalement, ça devrait pas causer de problème. On s'entend que des chandails en Afrique, c'est rare que les enfants là-bas vont mettre ça sur eBay pour que l'Américain l'achète. Ce serait plutôt improbable. Le problème pourrait aller au-delà de ces enchères non autorisées sur eBay que je viens de mentionner. Selon le Huffington Post, les dons de vêtements de seconde main peuvent des fois avoir un impact négatif sur l'économie locale qui a de la difficulté à vendre ses propres vêtements. Vision Mondiale dit que normalement, ils vont cibler des endroits où ce n'est pas quelque chose qui dérange personne, donc des endroits comme des pays pauvres. Les fans des Chicago Cubs peuvent acheter, bien sûr, leurs vêtements en ligne et se faire livrer en quelques minutes. C'est comme ça dans le First World, comme on appelle. Ensuite, des jumeaux nés dans deux fuseaux horaires différents créent une confusion par rapport à qui est le frère le plus vieux et qui est le frère le plus jeune. Donc, un groupe de jumeaux, un duo de jumeaux. Évidemment, tout le temps, quelqu'un qui est plus vieux que l'autre, c'est une des premières affaires qu'on demande dans les questions ridicules que les jumeaux reçoivent. C'est qui le gentil, c'est qui le méchant et qui est le plus vieux. Hein? C'est comme ça. Mais cette distinction-là ne sera pas si évidente pour Samuel et Ronan Peterson, deux frères jumeaux nés à l'hôpital Cape Cod du Massachusetts récemment. La confusion est à cause de leur avancée. Cape Cod Health News nous dit que Samuel est né à 1h39 du matin dimanche 6 novembre, suivi 31 minutes plus tard par Ronan à ce qui aurait été 2h10 du matin, mais à 2h ce matin-là, on a changé l'heure, ce qui faisait qu'il était maintenant 1h10. Ce qui fait que Ronan est dans les dossiers officiels plus vieux que Samuel, qui est né pourtant avant. Hein? C'est pas un super gros dilemme, et c'est, mais quand même, la situation est pas vraiment commune. C'est la première fois, en fait, qu'on voit ça en 40 ans à cet hôpital-là, selon l'infirmière de maternité Deb Totten. Le père du garçon, Seth, avait l'impression que ça allait causer un problème, le changement d'heure. Je cite, « J'ai dit que soit ils allaient naître deux jours différents, ou encore que le changement d'heure allait avoir son rôle à jouer. » Et voilà, l'intuition paternelle a fait ça. Spécial quand même. C'est sûr. Un homme de Détroit nommé Peter Dracos est très très bon encore aujourd'hui pour gagner à des jeux de carnaval, tu sais, les jeux de foire, d'expo, etc. Ce qui est tout le temps très difficile à gagner. Là. Ben, c'est organisé pour pas que tu gagnes. Mm-hmm. C'est comme les élections américaines. Exact. T'arranges. Pareil. Donc, en fait, il a gagné presque 250 000 gros animaux en peluche dans sa vie et les a donnés tous à des œuvres de charité. Oh, c'est gentil. C'est bon, hein? Peter Dracos, on dirait un nom dans Game of Thrones, mais non, c'est vraiment un vrai être humain. Pendant la construction d'un chemin de fer en Ouganda, deux lions Tsavo, une sorte de lion, ont arrêté la progression, le progrès de ce chemin de fer en tuant toujours les travailleurs la nuit. On estime le nombre de morts pendant la construction de ce chemin de fer à 135. Hein? Mais voyons donc. Morts par des lions Tsavo. C'est quelque chose. C'est agressif. Ouais. Chaque enfant mexicain a droit à une carte de vaccination nationale, donc une National Vaccination Card, où l'historique de leur vaccin doit être enregistré. Un dossier complet est obligatoire pour pouvoir aller à l'école et 14 maladies qu'on peut empêcher par des médicaments comme ceux-là sont incluses. Mexico a donc un des parcours de vaccins les plus complets au monde. Wow! C'est obligatoire, j'adore ça. C'est super! Fumer la cigarette va faire descendre tes seins plus rapidement que la normale en défaisant une protéine de la peau qui s'appelle l'élastine, qui donne à sa peau son apparence élastique et jeune et qui soutient les seins. Ah, donc, fumer ouais. va faire descendre tes seins plus vite. Je savais pas. Moi non plus. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas. Exactement. C'est un film, c'est la chanson. Hein. Après, qu'il y a eu des plaintes par rapport au temps d'attente aux réceptions de bagages. Tu sais, les baggage, les baggage claims dans les aéroports. L'aéroport de Houston a déménagé, a tassé les baggage claims plus loin. Donc, ça prenait plus de temps à se rendre à pied, mais les plaintes par rapport à l'attente dans la file sont descendues à presque zéro. Hmm. C'est quand même spécial, hein? Ben oui. La promenade avait l'air plus longue, donc le temps d'attente avait l'air plus court, psychologiquement parlant. Vin Diesel, l'acteur, a dépensé 3 000 $ pour écrire, produire et être la vedette d'un court-métrage nommé Multifacial qui faisait un parallèle avec sa vraie vie où il avait de la difficulté à trouver des rôles à cause de son apparence multiethnique. Je sais pas de quelle ethnicité il est. Mais bon, Steven Spielberg a vu le film et l'a choisi pour jouer dans Il faut sauver le soldat Ryan, ce qui a lancé sa carrière. Tu vois, je savais même pas qu'il était dans j'savais ce film. Je savais même pas qu'il était. Tu sais, on fait dur, mais je savais mais pas ça. Voyons donc, pour tant vrai. Tant mieux. Il était dans Saving Ryan, lui. Saving Private Ryan. Ouais. Ouais, donc Vin Diesel, aussi connu sous le nom de Mark Sinclair. OK. Quand même. Il est né en Californie avec son frère jumeau Paul. Sa mère, Dolores Shirlene Sinclair Vincent, est astrologie. Hein? Il est d'ethnicité ambiguë, dit-il. C'est lui-même qui dit ça, of ambiguous ethnicity. Sa mère a des racines anglaises, allemandes et écossaises. Il n'a jamais rencontré son père biologique. Il a dit que tout ce que je sais, c'est que de ma mère, j'ai plein de connexions à différentes cultures. Wow, il y a tellement beaucoup de gens qui ont joué dans Sauver le soldat Ryan, qui sont encore de ce jour très très connus. Ben oui, ça lance des carrières. Ben ça oui. As-tu des noms? Ted Danson, qui joue dans CSI. Ah, ben il était dans Cheers dans les années 70, là, fait que c'est pas un lancement de carrière pour lui. Nathan Fillion. Ok, ouais, acteur de théâtre là-bas. Castle. Ouais, ah oui. Qui joue l'acteur de Castle. Mmh. Giovanni Ribisi. Oui, oui. Bryan Cranston. Ok. Qui était quand même... The Breaking Bad. Ouais, exactement. Était quand même déjà connu un peu. Ouais. Adam Goldberg. Ouais. Barry Pepper. Je connais pas. Ah ouais, tu connais pas? OK. Il joue tout le temps des méchants. Non, non. Matt Damon. Ben oui. Évidemment. Ryan Hurst. Non. Non? Non. Mais voyons, Mathieu, qu'est-ce que t'écoutes? Ben, je connaissais tout le monde jusque-là. Oui, c'est ça. Il jouait dans Sons of Anarchy. Je dois venir d'une autre planète. Est-ce que tu savais qu'il y a une planète qui s'appelle HD 18-97-33B? Quoi? Mais non. Il pleut de la vitre fondue de côté à 7000 km/h. Rien de moins. Ça a l'air plaisant comme endroit, ça. Les docteurs ne portaient pas de manteau de laboratoire blanc avant la fin des années 1800. Parce qu'on a avancé dans la médecine très, très rapidement, le public pensait que les découvertes de nouveaux antiseptiques et le fait que les maladies étaient de plus en plus répandues, ils pensaient que c'était des mensonges, c'était légende. Donc, en réponse à ça, les docteurs ont adopté leur sarrau blanc pour représenter un nouveau début dans le domaine médical. Mon Dieu, je savais pas ça. Eh ben. Disney, on en parlait dans ta chronique il y a quelques jours de ça. Disney fait deux fois plus d'argent dans leur parc thématique que de leur film. Hein? Deux fois plus d'argent de leur parc thématique. Ta boy! En 1944, la Russie a capturé un American B-29 Bomber, c'est un avion qui lance des bombes. Staline, Joseph, de son prénom, je crois, demandait qu'on fabrique des clones exacts pour l'Air Force russe, donc pour l'armée russe. Il y a un petit trou. Il y avait un petit trou sur l'aile gauche de ce vaisseau capturé. C'est à cause d'une erreur de manufacture. Donc, tous les Tu-4 bombers russes avaient ce trou qui n'était pas nécessaire dans l'aile gauche parce que c'était des clones exacts des bombers américains. Ah, ouais. C'est un défaut de manufacture à la base, mais tous les avions russes Tu-4 avaient donc ce défaut eux aussi. On va y aller avec Ruth Wakefield qui a inventé le biscuit au briseau de chocolat. A vendu sa recette à Nestlé. Et pour contre quoi? Non pas contre de l'argent, mais contre une vie complète de pipettes de chocolat. Lifetime Supply. C'était en 1937 qu'elle faisait des biscuits pour ses invités dans une auberge. Elle a découvert qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtissier. Elle a substitué les morceaux brisés de chocolat mi-sucré Nestlé. C'est tendance qu'il fonde et qu'il soit absorbé dans la pâte pour créer des biscuits au chocolat. Mais ça n'a pas eu lieu. Surprenamment, Ruth Wakefield était donc devenue une des inventeurs les plus célèbres du 20e siècle. Lorsqu'elle a enlevé ses biscuits du four, elle a réalisé qu'elle avait accidentellement créé le biscuit au briseau de chocolat. Elle a nommé ça Toll House Crunch Cookies en l'honneur du Toll House Inn, qui était le nom de son auberge. Ils sont devenus extrêmement populaires localement et alors que la popularité augmentait, les ventes de barres de chocolat mi-sucré de Nestlé a aussi augmenté. Andrew Nestlé et Ruth Wakefield ont décidé de se faire un petit accord. Nestlé allait imprimer la recette de Toll House Cookies sur son emballage et Wakefield allait recevoir des approvisionnements à vie de chocolat de Nestlé. Hmm. C'est pas mignon, ça. On se dépêche. Un perroquet nommé Echo a été relocalisé dans le système de relocalisation des témoins après avoir témoigné contre son propriétaire, ce qui a mené à son arrestation. Attends, quoi? On l'a mis dans le programme de relocalisation des témoins. Le perroquet oui, non, Echo. Ça, j'ai compris. J'ai demandé, pardon, quoi? Okay, à cause que t'as interrogé un perroquet? Oui, ben c'est ça. Ben, le perroquet a témoigné contre son propriétaire et ça a amené à l'arrestation. Hey, c'est n'importe quoi. Ben oui, mais c'est cool. Puis les faits d'oiseaux, je sais que t'aimes pas ça. Ah, je trouve ça stupide. Les scientifiques ne savent pas pourquoi on a besoin d'autant de sommeil. Selon un chercheur avec 50 ans d'expérience dans le domaine, je cite, « À ce que je sache, la seule raison pour laquelle on a besoin de dormir, c'est vraiment parce qu'on est fatigué. » Oui. Mais il y a pas de... On sait pas la raison. C'est clair. On sait pas la raison. Les Vikings se promenaient avec des chats pour empêcher les rongeurs de se promener sur leur bateau. On croit que c'est ce qui a causé la deuxième vague d'expansion des chats à travers le monde. Ah ouais? Tu sais, David Ferron me demandait l'autre fois à quoi servent les chats à la base. C'est des aliens. Franchement. Quoi? Franchement. Tu connais la phrase... C'est genre des êtres qui veulent envahir le monde, les chats. Tu leur fais de mauvaises images. She sells the seashells by the seashore. Tu connais, c'est un tourne-langue, ouais. Un tongue twister. C'est basé sur la vraie vie de Mary Anning, qui cherchait des fossiles à vendre aux touristes à la plage dans les années 1800 pour aider sa famille pauvre. Elle a découvert en fait plusieurs squelettes de dinosaures intacts et ça a mené à l'éventuelle théorie d'évolution. Pas vrai? Je te jure. Je savais pas. Et finalement, ça c'est vraiment super intéressant, j'ai pas le choix de le dire, pendant le tremblement de terre de l'océan Indien en 2004 et les tsunamis du 26 décembre 2004, les pêcheurs ont dit avoir vu avec leurs propres yeux des générations de légendes, donc les restants de temples et ouais. Des centaines de gros blocs de la grosseur de réfrigérateur qui ont été brièvement exposés dans quand l'eau est partie à cause du tsunami. Ils voyaient la terre tous les anciens temples de l'époque. Et après mais ça, non. L'eau est revenue. Ils ont vu ça. C'est quand même quelque chose. C'est fou. Bref, voilà pour C'est un fait. C'est tout pour cette chronique-là. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Oh oui. Et nous, on termine l'émission ici. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30. Demain, à l'émission, on va être mardi, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a avec nous? On a David Ferron à 8h30 pour la chronique du Zone Campus. La chronique aussi à 6h30 et 9h30 sur nos ondes. À 9h30, dans quelques minutes, là c'est C'est fou le sexe. Ensuite, à 11h, la sortie de secours est à votre gauche. À midi, la millième de rock classique en rappel. Oh oui. Et à 20h, c'est Rock de Neurone avec du rock progressif. CIF.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission et les balados de diffusion. Merci, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à Jacinthe Allard du pôle d'économie sociale de la Mauricie. Et merci à Valérie Deschamps. Oui. Et à demain, 6h30. Bye bye. Bon café.